إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن أعز ما يؤتى المرء في هذه الدنيا إيمان بالله ورسوله، يبلغه المقامات العلية، ويبوئه المنازل السنية. إذا منَّ الله على عبدٍ من عبيده بهذه النعمة فلا يضره ما فاته، فقد وجد الخير أجمعه، والسعد أوسعه، والكمال أرفعه، وهو منَّةٌ شريفةٌ ما أجلَّها. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم. وقال سبحانه: ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان، وزيَّنه في قلوبكم، وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلًا من الله ونعمة، والله عليمٌ حكيم. فامتنَّ عز وجل بالإيمان على أهل الإيمان أعظم الامتنان. ولما كان هذا الإيمان عزيزًا، وكان عُرضةً لأن يقوى ويضعف، ويزيد وينقص، ويشتد ويلين، ويتجدَّ ويخلق، ويُبذَل ويُورِق، كان على المؤمن أن يتفقَّد إيمانه، ويتعاهده بالرعاية، ويُجدِّده بالطاعة، ويحفظُه من النُّقصان بترك المعاصي، ومُجانبة الشهوات، والعُدول عن مهاوي الأهواء والفتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاتلوا القرآن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم في مستدركه. وحقيقة الإيمان أنه تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وحتى لا تعصف بالإيمان رياح الباطل وتبلى مادته في نفس العبد، ويبذل شعاعه في فؤاده، وينطفئ نوره في صدره، فإن الله عز وجل قد جعل له أسبابا تنميه وتقويه، وتحفظه وتزيده، وتجلو غشاوته، وتنكشف ظلامته. فإذا أراد العبد سعادة نفسه وهناءها، فليعرف أسباب زيادة الإيمان، وليكن عليها أشد حرصًا منه على أعجز محبوباته، فإنها منابعٌ للخير، ومواردٌ للطهر. فمن أظهر أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن بالتدبُّر، والنظر في مثاني آياته بالتفكُّر، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، وهو الطريق إليه، والمعرف بأسمائه وصفاته، والكاشف عن شرائعه وأحكامه، يزيد المقبل عليه إيمانا، ويزداد المعرض عنه حسرة وخسارة وهوانا. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولأن للمؤمن من هذا الكتاب الأوفر حظ، وإن أثره عليهم لأكرم أثر، فاقرأ إن شئت قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وقوله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لا جرم أن من يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه، ذلك أنه يجد فيه ملكا له الملك كله، يجد فيه ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، يسمع ويرى، يعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر، ينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بها ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. يدعو إلى دار السلام، ويذكر حسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويعاتب أحبابه ألطف عتاب، ويقيل عثراتهم، ويغفر زلاتهم، ويدافع عنهم وينصرهم، وينجيهم من كل كرب، ويوفي لهم بوعده، فهو مولاهم الحق ونصيرهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها ودواؤها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكماله وكماله. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، ومن أشرف أسباب زيادة الإيمان معرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن من عرفه سبحانه بها أحبه وسار بها إليه ودخل بها عليه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا علم العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل باطنا وظاهرا. وإذا علم أنه سبحانه سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أن الله غني كريم بر رؤوف رحيم واسع الإحسان فإن هذا يحقق له قوة الرجاء، والرجاء حاد إلى أنواع كثيرة من العبادات الظاهرة والباطنة. وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، وهذا يوفقه على أنواع من التعبد له سبحانه والرغبة إليه عز وجل. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا خاصا في الإحاطة بهذه الأسماء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. فصارت معرفة الأسماء الحسنى أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. وصدق الله إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم العليم والموصوف بصفات الكمال والمنعوت بالأسماء الحسنى أتم، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومن عظيم الأسباب المعينة على زيادة الإيمان أيضا التأمل في محاسن هذا الدين والتعرف على كمال شريعته وصفاء عقيدته وجمال أخلاقه وآدابه وعلو نظامه ومقاصده وشريف حكمه ومصالحه العاجلة والآجلة، فإنها تنادي بأنها شريعة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سافيتوا الله، préservez-vous d'Allah et rappelez-vous du jour dans lequel chacun d'entre nous devra se tenir devant Allah Azza wa Jal pour rendre ses comptes et répondre de ses actes et répondre de ses paroles et de sa croyance le jour du jugement dernier. Et sachez, mes chers frères en islam, que la chose la plus précieuse que le musulman a obtenu dans cette vie et dans ce bas monde, c'est la foi en Allah Azza wa Jal et la foi en son messager. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de richesse plus importante et plus grande pour le croyant que sa foi en l'islam. Et c'est par cette foi en Allah Azza wa Jal et en son messager que l'être humain peut atteindre les degrés les plus élevés. Et c'est par cette foi que Allah Azza wa Jal a fait la grâce à son serviteur et lui a donné cette faveur. Il n'y a pas de grâce et de faveur plus importante que celle-là. Et peu importe qu'est-ce qui peut arriver par la suite à un individu ou à une personne, un homme ou une femme, une fois qu'elle a la foi en Allah Azza wa Jal, eh bien, il n'y a plus rien qui peut yani lui faire du tort en réalité, puisque c'est la porte vers l'au-delà et la clé du succès pour son au-delà et pour le paradis éternel. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans plusieurs versets l'importance de la foi et comment il a embelli la foi dans le cœur des croyants et comment il leur a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et c'est une grâce venant d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut savoir une chose importante, c'est que la foi, eh bien, elle augmente et elle diminue. Et elle peut s'user avec le temps de la même manière qu'un vêtement peut s'user à force de l'avoir porté trop longtemps ou trop souvent. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à toujours renouveler notre foi, faire en sorte que notre foi soit toujours rafraîchie. Hein? Et souvent quand quelqu'un il se convertit à l'islam et qu'il entre dans la foi, eh bien au début il trouve la fraîcheur de la foi dans son cœur. Il a beaucoup de zèle, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attachement à la religion. Et puis après les années qui passent et les péchés et l'insouciance entrent dans son cœur et on voit que son énergie dans l'application de la foi peut commencer à diminuer ou à baisser. Et cette chose, c'est vrai pour les convertis, mais c'est la même chose aussi pour tous ceux qui sont nés dans l'islam. Et même que parfois, c'est plus important encore pour ceux qui sont nés dans l'islam de revivifier leur foi, de renouveler leur conviction et de faire en sorte que la foi qui est dans leur cœur reste toujours fraîche, reste toujours neuve, réveillée, hein, et ravivée dans leur cœur. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que la foi, elle s'use de la même manière qu'un vêtement. Il a dit, alors récitez le Coran pour faire en sorte que votre foi soit revivifiée, régénérée. Et la réalité de la foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue et les actions faites avec le corps. Et cette foi, elle augmente avec les actes d'obéissance qu'on fait et elle diminue lorsqu'on fait des péchés. C'est-à-dire que la foi, c'est pas quelque chose qui est statique, quelque chose qui est fixe. C'est pas quelque chose qui reste toujours au même niveau ou au même degré. C'est-à-dire que la foi peut être différente d'une personne à une autre. Une personne peut avoir une foi forte et une autre peut avoir une foi faible. Et en même temps, même dans une même personne, à différents moments de la journée, à différents moments de l'année, à différents moments dans le mois ou dans la semaine, sa foi peut augmenter et sa foi peut descendre. Et également, le niveau de connaissance d'une personne vis-à-vis de la religion d'Allah peut aussi faire augmenter sa foi, et l'ignorance peut aussi la faire descendre et peut la diminuer également. Et c'est pour cette raison, souvent, les gens posent la question aux ulama de l'islam. Quels sont les moyens par lesquels un musulman peut faire augmenter sa foi? Quels sont les moyens par lesquels quelqu'un peut raffermir sa foi et régénérer sa foi? Et il n'y a pas de doute que parmi les causes les plus importantes pour que la foi d'une personne soit ravivifiée et régénérée et renforcée, eh bien c'est de lire le Coran en réfléchissant au sens de ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Et de lire le Coran comme s'il nous était révélé à nous, de se mettre dans la balance vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran lorsqu'on le récite, et de réfléchir sur ce que Allah Azza wa Jal nous dit, et de se faire des comptes à soi-même, parce que le Coran sera un juge pour toi et une preuve pour ou contre toi au jour de la résurrection. Hujjatun laka aw alayk. Et donc, en lisant le Coran et en réfléchissant sur ses significations, tu vas sentir en toi-même la foi augmenter dans ton cœur. Parce que dans le Coran, premièrement, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, il y a également toute la connaissance nécessaire pour les créatures, pour les serviteurs, pour connaître Allah Azza wa Jal. Et si tu ne connais pas Allah Azza wa Jal, ton créateur, si tu ne le connais pas par ses noms et par ses attributs qu'il a révélés dans le Coran et dans les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment pourras-tu l'aimer? Peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Peux-tu aimer quelqu'un dont tu ne connais pas les attributs et les noms? Eh bien, c'est impossible. Tu ne peux pas aimer ton créateur si tu ne connais pas ton créateur. Et donc, une des meilleures façons pour augmenter ta foi en lisant le Coran, c'est d'étudier et d'apprendre, de réfléchir et de méditer sur les noms d'Allah et sur ses attributs, et d'essayer de les connaître et de les comprendre, et de lire les paroles des ulama qui ont expliqué justement la signification de ces noms et de ces attributs-là, pour arriver à connaître Allah le mieux possible et pour être capable de l'aimer encore plus. Et plus tu vas aimer Allah Azza wa Jal, et bien plus tu vas l'adorer, et plus tu vas le connaître, et plus tu vas le craindre, et plus tu vas connaître Allah, et plus tu vas mettre ta confiance en lui. Parce que tu vas savoir qu'il n'y a personne qui peut te profiter ou nuire, excepté lui. Donc tu vas mettre ta confiance uniquement en lui, et ton espoir uniquement en lui, et tu ne vas aimer personne d'autre plus que lui. Et tu ne vas pas non plus aimer quelqu'un avec lui, mais tu vas l'aimer lui seul, pour lui. Et en même temps, tu vas n'adorer que lui. Tu vas n'espérer qu'en lui. Et toutes ces connaissances à propos d'Allah Azza wa Jal sont fondamentales. Tu vas apprendre aussi tout ce qui a rapport avec la foi. La foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses messagers, la foi en ses livres, la foi en le jugement dernier et le jour dernier, et la foi en la prédestination, et la connaissance de ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'appliquer comme règles de la religion, les règles de la salat, les règles de la purification, les règles du jeûne, les règles de la zakat et du hajj, et les règles de toutes les adorations que Allah nous a ordonnées, les règles de la religion et de la sharia, qui est une sharia parfaite parce qu'elle vient d'Allah. Et plus tu l'étudies, et plus tu deviens convaincu que c'est la religion d'Allah et que c'est une religion qui est parfaite et que c'est une charia qui est parfaite. Parce que ta connaissance, elle est approfondie. Et plus ta connaissance augmente et plus tu connais Allah, Et plus tu le crains, comme Allah il le dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Hein? C'est seulement ceux d'entre les serviteurs d'Allah qui le craignent réellement, c'est seulement les savants. Parce que c'est seulement eux qui ont la possibilité, la capacité de le craindre comme il faut, puisqu'ils le craignent avec science, et avec connaissance, et avec compréhension. Et donc celui qui connaît Allah, plus qu'il le connaît, plus qu'il va le craindre, plus qu'il va l'aimer. Donc ça, c'est des choses importantes. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran que le Coran, c'est qu'est-ce qui justement fait augmenter la foi. Et il dit dans Surat Al-Anfal, un verset dans lequel Allah, il dit ce qui signifie que ceux qui sont croyants, c'est ceux que lorsqu'on leur récite et qu'on leur mentionne Allah et qu'on leur mentionne, on leur récite ces versets, leur cœur frémissent lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Wajilat qulubuhum. Et quand on leur récite, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, quand on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Regarde ces versets. Écoute ces paroles. Mets-toi dans la balance. Pose-toi la question. Est-ce que je rentre dans cette description? Est-ce que je rentre dans cette caractéristique que Allah Azza wa Jal a mentionné à propos des mu'minoun? Si oui, réjouis-toi. Sinon, remets-toi en question. Allah Azza wa Jal, il mentionne également, il dit, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. Lorsqu'une sourate est révélée, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Parmi eux, il y en a qui disent, lequel d'entre vous cette sourate a augmenté la foi? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. En ce qui concerne les croyants, cela a fait augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Tandis que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Eh bien, au lieu d'augmenter leur foi, ça n'a rajouté que de l'impureté à leur impureté. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Et ils sont morts alors qu'ils sont mécréants. Donc ça, c'est l'état des croyants vis-à-vis de la révélation et l'état des mécréants vis-à-vis de la révélation. Et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc, la récitation du Coran avec la méditation sur ses significations et le fait de réfléchir sur ses sens et sur ses significations, c'est une des choses qui fait augmenter la foi. Et de façon générale, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de connaître ses noms et ses attributs, et de connaître sa religion, et de réfléchir sur ses significations, c'est parmi les meilleures façons pour faire augmenter la foi, et ensuite de faire les bonnes œuvres, et de s'écarter des péchés, parce que de la même manière que les bonnes œuvres font monter ta foi, les péchés et la désobéissance et les innovations, eh bien ça fait baisser la foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيماننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.